Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 54. De la connaissance des anges. La connaissance des anges n'est ni leur substance, ni leur être, ni leur essence. Leur intelligence est actuelle, leur connaissance, purement intellectuelle. 1. Il ne faut pas confondre la connaissance des anges avec leur substance, car dans toutes les créatures l'action diffère de la nature. Il n'y a que Dieu, acte pur, qui soit à la fois sa substance et son action. 2. L'opération intellectuelle des anges n'est pas non plus leur être. L'être d'un agent existe au-dedans de lui-même, au lieu que son action intellectuelle pénètre au dehors. Il n'y a que l'être de Dieu qui soit sa connaissance. 3. La puissance intellectuelle des anges diffère elle-même de leur essence. Trois choses en eux sont distinctes, la substance, la faculté et l'opération. Que si on les appelle des esprits, des intelligences, c'est que leur connaissance est purement intellectuelle, tandis que celle de l'homme est partie intellectuelle et partie sensitive. 4. Les anges ont-ils, comme l'homme, un intellect agent et un intellect potentiel? Non, la science qui existe naturellement dans leur entendement est loin d'être acquise comme la nôtre. Leur intelligence n'est jamais à l'état potentiel par rapport aux vérités naturellement comprises dans sa sphère, elle connaît actuellement tout ce qui lui est donné de percevoir, car son objet premier, ce sont les choses intelligibles par elles-mêmes. Si donc il y a dans l'ange un intellect agent et un intellect potentiel, ce n'est ni comme en nous, ni dans le même sens. On abuserait des termes si on leur donnait ce double intellect. Note. L'intellect potentiel, patient, possible, est le même que la faculté de comprendre à l'état simple de puissance. Fin de la note. 5. Les anges n'ont-ils que la connaissance intellectuelle? L'homme, observe Saint Grégoire, possède la sensibilité, qui lui est commune avec les animaux, et l'intelligence, qui lui est commune avec la nature angélique. Quelles autres facultés que l'intelligence et la volonté peuvent se trouver dans des substances spirituelles qui ne sont pas naturellement unies à des corps? Il convenait, pour l'ordre de l'univers, que les créatures intelligentes les plus élevées fussent purement intellectuelles, et non pas seulement en partie, comme notre âme. C'est là une prérogative qui explique et justifie les noms d'intelligence et d'esprit que nous donnons aux anges. Note. On peut leur attribuer, par analogie, l'expérience, l'imagination et la mémoire, mais il est certain qu'ils ne doivent leur connaissance, ni à des organes qu'ils n'ont point, ni à une âme sensitive, dont ils sont exempts. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.